L'inondation. Je m'appelle Louis Roubieux. J'ai 70 ans et je suis né au village de Saint-Jory, à quelques lieues de Toulouse, en amont de la Garonne. Pendant 14 ans, je me suis battu avec la terre pour manger du pain. Enfin, l'aisance est venue. Et, le mois dernier, j'étais encore le plus riche fermier de la commune. Notre maison semblait bénie. Le bonheur y poussait. Le soleil était notre frère. Et je ne me souviens pas d'une récolte mauvaise. Nous étions près d'une douzaine à la ferme, dans ce bonheur. Il y avait moi, encore gaillard, menant les enfants au travail. Puis, mon cadet, Pierre, un vieux garçon, un ancien sergent. Puis, ma sœur Agathe, qui s'était retirée chez nous après la mort de son mari. Une maîtresse femme, énorme et gaie, dont les rires s'entendaient à l'autre bout du village. Ensuite venait toute la nichée. Mon fils Jacques, sa femme Rose, et leurs trois filles, Aimée, Véronique et Marie. La première mariée à Cyprien Buisson, un grand gaillard, dont elle avait deux petits, l'un de 2 ans, l'autre de 10 mois. La seconde, fiancée d'hier, et qui devait épouser Gaspard Rabuteau. La troisième, enfin, une vraie demoiselle, si blanche, si blonde, qu'elle avait l'air d'être née à la ville. Ça faisait 10 en comptant tout le monde. J'étais grand-père et arrière-grand-père. Quand nous étions à table, j'avais ma sœur Agathe à ma droite, mon frère Pierre à ma gauche. Les enfants fermaient le cercle par rang d'âge. Une file où les têtes se rapetissaient jusqu'au bambin de 10 mois, qui mangeait déjà sa soupe comme un homme. Allez, on entendait les cuillers dans les assiettes. La nichée mangeait dur. Et quelle belle gaieté entre 2 coups de dents. Je me sentais de l'orgueil et de la joie dans les veines lorsque les petits tendaient les mains vers moi en criant « Grand-père, donne-nous donc du pain. Un gros morceau, hein, grand-père ?» Les bonnes journées. Notre ferme au travail chantait par toutes ses fenêtres. Pierre, le soir, inventait des jeux, racontait des histoires de son régiment. Tante Agathe, le dimanche, faisait des galettes pour nos filles. Puis, c'était des cantiques que savait Marie, des cantiques qu'elle filait avec une voix d'enfant de cœur. Elle ressemblait à une sainte, ses cheveux blonds tombant dans son cou, ses mains nouées sur son tablier. Je m'étais décidé à élever la maison d'un étage. Lorsqu'Aimé avait épousé Cyprien, et je disais en riant qu'il faudrait le lever d'un autre après le mariage de Véronique et de Gaspard. Si bien que la maison aurait fini par toucher le ciel si l'on avait continué à chaque ménage nouveau. Nous ne voulions pas nous quitter. Nous aurions plutôt bâti une ville derrière la ferme, dans notre enclos. Quand les familles sont d'accord, il est si bon de vivre et de mourir où l'on a grandi.